chaque souffle impactant la chaleur. Rydeski marche seul, mais ses pas résonnent dans le cœur des fidèles. Zantuka Shairadna Amtina. Il ne cherche pas la guerre, mais il n'a jamais fui le combat. Son regard est un feu et sa voix fend la tempête. Sous les pas sacrés, Rydeski. Le sable décide, le vent juge et le sang s'efface sous les pas sacrés.